Dans la conscience, il n'y a pas de recette absolue. Donc, enregistrement pour le mois de décembre de l'année 2022. En fait, l'idée d'aborder ce sujet est en relation avec un échange de courriel là, par rapport à un auditeur. Donc, s'il m'écoute, je le salue. C'est ce qui m'a donné l'idée là, d'aborder ce sujet. En fait, il voulait que je donne des conseils. Et puis, à un moment donné, j'ai répondu qu'il n'y a pas de recette absolue dans le domaine de la conscience, dans le sens que c'est sûr qu'il y a des éléments qui peuvent favoriser un développement individuel. Prenons par exemple, si la personne grandit avec des parents affectueux, si la personne a des ressources pour répondre à ses besoins au niveau alimentaire, au niveau physique, répondre aux besoins de base qui sont abordés, entre autres, dans la pyramide de Maslow, qui est souvent utilisée dans le domaine de la psychologie. Donc, des besoins, que ce soit des niveaux physiques, des besoins au niveau psychologique, d'avoir un espace sécurisé. Ensuite, des besoins à caractère de réalisation de soi à travers la production d'œuvres artistiques ou d'éléments qui donnent un sens à la vie d'un individu. Donc, répondre à des besoins de définition identitaire ou existentielle. Donc, on peut avoir plusieurs besoins qu'on peut répondre. Mais pour parvenir à intégrer la conscience supramentale, il n'y a pas une recette absolue. La recette et son application n'est pas sous le contrôle de l'ego, en ce sens que c'est l'esprit, de par la nature des événements, qui va chercher, entre autres, à ajuster l'ego. Et l'ego, à partir de sa capacité réflexive, ne pourra jamais appréhender totalement l'univers et la réalité. Il peut former des théories. Il peut avoir une compréhension au fil des ans de plus en plus sophistiquée de l'être humain sur le plan, par exemple, de sa programmation génétique, sur le plan de sa psychologie, sur le plan de son mode de vie aussi. Mais tout est en fonction de variables qui sont très complexes. Et la façon qui est faite l'ego, il ne peut pas avoir une compréhension intellectuelle de la recette sur le plan absolu qui va fonctionner pour lui dans une optique d'en venir à avoir davantage de paix de l'esprit dans le quotidien, atteindre ce que certains appellent un état de bonheur. Et c'est sûr que tout ça peut être sujet à discussion dans un sens, parce que si l'individu devient dans un état de paix très grand et devient à ce moment-là statique, stagnant sur le plan évolutif, au niveau de l'esprit, ce type de bonheur vu comme une entrave à une intégration plus grande d'énergie dans le futur ou une mobilisation plus grande de l'ego, dans le sens que si l'ego reste passif dans sa vie en croyant avoir atteint la réalisation dans un état psychologique parce qu'il a mis en application une recette dans sa vie de développement personnel. Il peut avoir différents niveaux de recettes. Quelqu'un peut dire, je vais méditer 20 minutes par jour en pratiquant la respiration de Dishodhana, c'est-à-dire en respirant de narines altérées d'une à l'autre. Et ça lui donne un état de bien-être. Moi-même, je pratique ça là, une fois de temps en temps. Je vais faire des mouvements de yoga, des mouvements de qigong, des méditations pleine conscience aussi. Ça m'apporte quelque chose d'agréable. Au niveau psychologique, ça peut me permettre de détendre. Donc, si je parle avec un rythme qui est lent, j'écoute des enregistrements d'hypnose avec des respirations. Ça peut permettre de savourer, de déguster un état agréable. Donc, au niveau psychologique, ça peut m'apporter un grand bienfait. Mais dans l'optique d'une réalisation et d'un changement vibratoire, que la personne intègre davantage d'énergie dans l'optique d'un déploiement plus grand de sa parole, qui deviendrait alors une force plus puissante pour véhiculer l'énergie, l'esprit, ça ne va pas nécessairement générer ça. Donc, ça dépend qu'est-ce que l'individu a à vivre. Donc, ce que j'expliquais à la personne, c'est que je ne vois pas de recette. S'il y avait une recette universelle qui fonctionnerait avec tout le monde, probablement que présentement, il n'y aurait plus de problème de pauvreté sur la Terre et puis plus problème de maladie. À part les gens qui aiment souffrir, là, mais je veux dire, il y aurait des problématiques qui seraient éradiquées alors que c'est pas le cas. Puis aussi, l'une des contrariétés en relation avec l'intégration de la conscience supramentale, c'est que quelqu'un qui voit, comment dire, un cheminement de conscientisation comme quelque chose à atteindre ou quelque chose à obtenir, puis qu'une fois que tu l'as, ben tu l'as pour l'éternité. Oui, la personne peut intégrer un niveau de conscience qui est différent pour le reste de sa vie en relation avec un choc d'énergie qui provient de l'esprit, mais le point, c'est que la personne, elle peut vivre par la suite des oppositions pareilles dans sa vie. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'elle intègre ponctuellement de l'énergie de son esprit, que le reste, de son existence va être un long fleuve tranquille. La conscience, si on la parle par rapport à la conscience supramentale, c'est une conscience qui est en relation avec de l'intégration d'une manière de plus en plus grande de l'énergie de nature cosmique. Et son objectif, c'est d'amener l'ego qui est capable de la véhiculer à travers une parole à devenir un contenant de cette énergie, un réceptacle de plus en plus vaste avec une capacité d'intégrer de plus en plus des chocs. Et puis aussi d'accomplir certaines choses qui peuvent impliquer des oppositions, mais si la personne a intégré une capacité grandissante d'intégrer les chocs, elle va être capable de faire face aux oppositions qui sont en relation avec la conscience qu'elle peut véhiculer par rapport à des gens de son environnement. Bon, je vais donner un exemple concret, là, parce que c'est sûr, ce qui est mentionné ici, c'est quand même assez abstrait. Par exemple, quelqu'un qui est entraîné pour faire des combats de karaté, bien, c'est sûr que si la personne a fait des combats de karaté puis elle est intégrée à encaisser les coups ou à éviter les coups, les chocs, bien, par la suite, ça livre d'un combat avec des adversaires, elle est habilitée à ça. Si la personne est habilitée à pratiquant des katas, des mouvements de karaté, des postures, à donner des coups de poing, des coups de pied, puis à renforcer ses muscles, donc qui deviennent plus forts alors qu'ils connaissent des micro-déchirures en relation avec un entraînement physique qui est fait en parallèle à l'entraînement lié au combat. Bien, c'est sûr que si elle a livré combat, puis elle est en bonne santé, puis elle est entraînée, bien, elle va être en mesure de le faire avec efficacité. Même chose pour l'individu qui est manipulé pour véhiculer une vibration. Si la personne est habilitée à faire face à des combats à différents niveaux, là, je parle au niveau physique, mais je peux vous donner un autre exemple au niveau psychologique. Quelqu'un qui est intervenant, il pratique la relation d'aide, là, que ce soit un travailleur social, un psychologue, conseiller d'orientation, psychiatre, et se ramasse devant lui pour la première fois devant un client ou un patient qui est suicidaire. Bon, ben, là, la personne, il faut qu'elle soit stable psychiquement parce que si l'autre devant soi est suicidaire et qu'il véhicule une vibration qui est très destructive, une vibration qui est affiliée psychiquement avec l'astral, donc la personne est en état de crise, est en état de véhiculer une vibration. Qui pourrait l'amener naturellement à passer à l'acte. Donc, c'est sûr que par rapport à des vibrations très dissonantes, la personne, faut pas qu'elle se laisse imprégner par rapport à ça et être proche de l'autre, il faut qu'elle soit centrique. Si elle veut ajuster l'ego de l'autre puis le stabiliser pour que comment dire, neutraliser l'influence de l'entité qui amène les idées suicidaires en passant du principe que la pensée vient d'ailleurs. Bon, mais il faut que la personne soit centrique pour véhiculer un état qui va favoriser la centricité de l'autre personne en présence, si elle a à faire ça là, naturellement. Et c'est sûr que lorsque la personne est confrontée une première fois dans sa vie à quelqu'un qui est suicidaire, ça crée des tensions au niveau de l'ego. Puis par la suite, la personne, il faut qu'elle soit centrique parce que si elle est déstabilisée par l'autre, bien, elle peut le devenir elle-même suicidaire. Dans le sens que l'autre, s'il est très défaitiste puis négatif, puis l'autre s'imprègne de tout ça, elle peut dire, ben oui, t'as raison, la vie, c'est de la merde. Puis être très sombré aussi dans un cercle vicieux. Donc, il y a un combat occulte dans le sens que quelqu'un qui est centrique, qui est exposé à une vibration dissonante, c'est soit la vibration qui est centrique ou la vibration qui est dissonante qui va prendre le dessus. Il y a un jeu de conquête psychique qui s'opère par individus interposés en relation avec les forces qui sont derrière leur état d'être. Donc, la personne qui réussit à être centrique par rapport à une personne suicidaire, tout dépendant de son rôle, il y en a qui leur rôle, c'est de faire l'intervention directe pour ajuster la personne. Prenons par exemple le cas d'un psychiatre dans une unité au niveau psychiatrique dans l'hôpital qui garde les gens sous son observation là, qui vont là parce qu'ils sont dans un état très de délibération psychique là, avancé là, dans le sens que la personne est gardée en observation pendant quelques jours. Bon, mais le psychiatre qui est à la tête de ça est un petit peu comme la dernière ressource parce que là, les autres intervenants, que ce soit le psychologue ou le travailleur social, vont dire à la personne, ben écoute, moi, je suis pas à l'aise avec ton état d'être, puis dans certains cas, les intervenants vont accompagner l'autre personne à aller sous observation psychiatrique à l'hôpital, mais la personne qui est le dernier ressource de la chaîne, parce que, tu sais, bon, que ce soit le travailleur social, l'éducateur spécialisé, bon, là, je parle des ressources ici au Québec, là. C'est sûr que pour ce qui est des gens qui peuvent m'écouter en Europe, ça peut être d'autres ressources, là, les noms peuvent changer. Mais le point, c'est que il y a toujours une ressource terminale. Et la ressource, de la dernière, le dernier recours, si on prend la réalité québécoise où je me trouve, ben c'est le psychiatre. Et c'est lui, en bout de piste, qui est pris avec la personne qui est avec des idées suicidaires ou en état de dépression très avancé, et ainsi de suite. Donc lui, il faut qu'il soit stable psychiquement. Le psychologue aussi, là, faut qu'il y ait une certaine centricité. Mais le point, c'est qu'en passant que la personne a étudié ou non intellectuellement les formes de la conscience supramentale, si la personne a composé avec quelqu'un qui est suicidaire, implicitement, il y a un jeu énergétique qui s'opère. Parce que la personne qui est suicidaire, souvent, est chevauchée par l'astral. Et c'est de voir quelle énergie va prendre le dessus. Et la personne qui est habilitée à des combats, dans le sens que ça fait, par exemple, une personne, ça fait au-dessus de 10 ans qu'elle travaille comme intervenante, puis des gens suicidaires en a vu au fil des ans. Donc, elle a un ego qui est devenu très centrique par la force des choses. Parce que si l'ego ne devenait pas centrique, puis elle sombrait dans les idées suicidaires comme ses clients ou ses patients, premièrement, elle serait plus là aujourd'hui pour faire son travail. Donc, le point, c'est que des gens qui développent la capacité de faire face à des oppositions énergétiques, selon la nature de leur fonction, là, ici, on parle d'un cas de personne qui intervient, mais ça peut être aussi la personne qui, dans le cadre d'une guerre où elle a affaire du corps à corps, en combat avec des opposants, comme c'était le cas autrefois, dans les guerres passées, si on pense entre autres à des gens au Moyen-Âge qui se battaient avec l'épée, bon, ben, ça prend certaines compétences liées à le maniement des armes. Et ces compétences-là sont en relation avec ce que l'esprit peut nous amener à développer. Donc, selon la fonction qu'on a dans notre vie, il n'y a pas nécessairement de recette pour parvenir à la conscience, puis il ne faut pas non plus. Moi, ce que je comprends au fil du temps, puis j'ai voulu être honnête avec la personne qui m'a écrit, dans le sens que de lui dire, ben écoute, s'il y avait une recette qui de manière absolue qui fonctionne avec tout le monde en tout temps, ça serait facile, on aurait juste à suivre la recette, puis il y aurait sans doute beaucoup de personnes d'entre nous qui voudraient être multimillionnaires ou avoir une santé parfaite. Alors, c'est pas nécessairement le cas. Il y a toujours des variables que chaque à l'ego. Et le contrôle du destin d'un individu n'est pas sous le joug de l'ego. On peut vouloir des choses. L'ego peut avoir un pouvoir d'influence. D'ailleurs, la science l'a démontré, entre autres, avec l'effet placebo. ou les autodidactes que l'ego cultive vont avoir un impact, par exemple, sur son sommeil. Hein? Tu sais, quelqu'un qui est anxieux parce que demain, il fait un examen, puis le fait de la pensée qu'il va faire un examen demain lui empêche de dormir, bon, ben ça montre l'impact de la pensée sur son fonctionnement. Et quelqu'un qui fait de l'insomnie à répétition parce que la personne n'est pas capable, par exemple, de compter des charges d'énergie parce qu'il côtoie des gens qui sont dans un état dépressif au quotidien ou suicidaire, bon, ben l'ego a se réajusté. Ou sinon, si l'ego, comme je le parlais tantôt, il est intervenant, il a changé de travail. Donc, c'est en fonction de chacun, mais ce que je veux dire, c'est que dans le domaine de la croissance personnelle ou de la psychologie, on va présenter certains paramètres de recettes. Il y a certains paramètres qui sont valides pour beaucoup de personnes. Tu sais, avoir une alimentation équilibrée, éviter, par exemple, de manger de la nourriture très grasse, ensuite faire du sport régulièrement. Il y a des gens qui vont proposer de faire à chaque jour, lorsqu'ils se lèvent le matin, des exercices d'étirement, pratiquer aussi pendant une vingtaine de minutes la méditation, ensuite pratiquer des grandes respirations à chaque fois qu'on cherche à les décentrer pour se déposer intérieurement. Donc, ben oui, la respiration, si on pense entre autres à la cohérence cardiaque, que moi-même j'ai déjà pratiqué, vous avez des vidéos par rapport à ça sur YouTube. Donc, vous êtes confronté à un choc et vous allez avoir la vidéo où ce que vous inspirez pendant 5 secondes et ensuite vous expirez pendant 5 secondes. Vous faites ça pendant à peu près 5 minutes et ça peut aider, c'est un moyen physique, psychologique, ça peut aider à recentrer. Il y a différentes approches. Quelqu'un qui travaille avec la vibration supramentale, ça peut être de produire un enregistrement. Et la contrariété du quotidien peut être un élément catalyseur pour monter en puissance dans le cadre d'une parole. Mais le travail avec l'énergie supramentale, moi, en tant qu'ego, ce que je peux dire quand que je suis exposé à cette énergie-là, c'est en relation avec des chocs de vie, des oppositions, puis j'aime pas ça. Donc, ça fait plusieurs années que je vis une forme de travail par rapport à l'énergie et je n'aime toujours pas ça. Parce que c'est des tensions. Tu sais, en tant qu'ego, je vais essayer de vous expliquer des choses avec simplicité. Et avec clarté aussi. En tant qu'ego, moi, ce que j'aspire, c'est une vie qui est simple, une vie où j'ai pas à m'entraîner pour être un combattant psychique. C'est ça que je veux dire. Mais les circonstances de la vie, les gens que je rencontre, malgré moi, m'amènent à développer une forme de combativité psychique. C'est comme... il me vient en tête une image. Je vais y aller avec cette image-là. Peut-être qu'au niveau spirituel, je suis très affilié avec des gens de haute spiritualité qui vont aimer pratiquer la méditation. J'ai une dimension très passive, là, je ne vous le cacherai pas. Je suis quelqu'un qui va aimer regarder, par exemple, un beau coucher de soleil. Donc, j'ai une dimension très contemplative. Par la suite, je vais aimer marcher dans l'eau froide parce que ça stimule l'organisme, ça dynamise. Ça aide à enraciner. Une dimension où j'aime être en contact avec la nature, vivre un état d'unité avec les éléments, où je ne réfléchis pas, je suis présent à ce qui se passe, puis une façon de m'aider à être présent à ce qui se passe, bien, c'est marcher dans l'eau froide. Ça favorise la circulation sanguine et la présence au corps. Ouais. Mais, tu sais... Au niveau spirituel, puis sans doute mon affiliation psychique avec le plan astral, je suis quelqu'un plutôt de méditatif, je vais aimer écouter des enregistrements d'hypnose, pratiquer la méditation, par la suite déguster l'environnement, dans le sens que si je fais un voyage puis je vois une belle plage, ben je vais aimer déguster le lieu, c'est-à-dire m'en imprégner, m'en nourrir de sa beauté. Apprécier le son hypnotique des vagues que je vais pouvoir retrouver sur place. Donc, être dans un état de calme, de paix. Mais le point, C'est qu'au niveau de l'esprit, si d'agir ainsi m'amènerait dans une forme de stagnation énergétique, dans le sens que si j'aurais accès, par exemple, à un corps qui ne vieillit plus, un corps qui est immortel, et que moi, dans mon inclinaison, en tant qu'ego, j'aurais tendance à être passif, puis passer mon temps à la plage, à me faire bronzer au soleil, à me nourrir de ses rayons. Si au niveau de l'esprit, c'est inintelligent parce que ça ne mène pas, en tant qu'ego, à intégrer des plus grandes charges d'énergie et d'avantages en état de connectivité et d'unité avec lui, bien, il va créer des événements oppositionnels pour bouleverser mes plans puis faire de moi un guerrier psychique malgré moi. Parce que moi, ce que je peux vous dire, puis c'est ça qui n'est pas tout retour, puis c'est ça qui est emmerdant puis qui est plate, c'est que si vous avez à composer avec la conscience supramentale, la conscience vibratoire, vous allez vivre des oppositions à différents niveaux en fonction de où ce qu'on veut vous amener. Et c'est sûr que pour être honnête avec vous, l'idée de faire un enregistrement qui vise à véhiculer une vibration de puissance, alors que je suis très calme et détendu avec les pieds dans l'eau à contempler un environnement, je ne l'ai pas. Je suis comme une coquille vide. Et pour que le feu interne s'active, ça prend un carburant. Donc, ça prend une mise en action, ça prend de la colère qui émerge en moi en relation avec la contrariété qui va me mettre en vibration. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas chercher le trouble, il ne faut pas, chercher à créer des conflits avec des gens de l'environnement, là, parce que sans ça, c'est une attitude psychologique dans l'optique de véhiculer une vibration. Et à ce moment-là, la vibration ne sera jamais de la même amplitude. C'est un petit peu comme quelqu'un qui veut provoquer quelque chose, mais comme c'est en fonction d'un désir de l'ego, c'est un petit peu comme stimuler une colère mentale. Ça n'aura pas la même amplitude énergétique et la personne qui écoute l'enregistrement va le sentir. Va dire « Ouais, là, tu essaies de véhiculer une vibration, mais tu essaies de nous faire véhiculer l'idée qu'en réalité, tu es fâché, mais tu ne l'es pas vraiment. » Et l'autre personne, c'est honnête, est obligée de reconnaître que oui, c'est vrai, je ne suis pas fâché. Ce qui m'amène à vivre la contrariété, puis un petit peu l'élan énergétique derrière mon propos aujourd'hui, c'est le fait à quelque part, ça c'est très difficile à accepter en tant qu'ego, là, ça fait des années que je suis à ce point-là, puis c'est peut-être la même chose pour plusieurs d'entre vous. C'est le fait qu'il y a une partie de ma vie qui m'échappe. Il y a une partie de mon existence qui est au-delà de la forme. C'est sûr, je pars du principe que l'esprit qui se rapporte à moi est multidimensionnel. Et l'univers aussi, l'univers physique, l'univers phénoménal n'est qu'une petite partie de tout l'univers qui existe. Donc, il y a une grande partie de l'univers qui est au-delà du manifeste, qui est au-delà des formes qu'on peut percevoir, qui est au-delà des atomes. Il y a naturellement une réalité subatomique, en dessous de l'atome, on a des protons, on a des neutrons, et derrière ça, ben, il y a de l'énergie. Et ça, c'est une dimension qui nous échappe. C'est sûr que s'il y avait une recette, prenons par exemple la question de l'argent. Je vais aborder ce sujet-là au moment où j'ai fait cette capsule au mois de décembre. Ben, il y a beaucoup de gens, que ce soit au Québec ou dans des pays occidentaux, que ce soit la France, la Belgique, sont confrontés à une inflation galopante, une augmentation rapide du coût de la vie. Bon, ben, sans doute, il y a plein de personnes qui aimeraient avoir la recette parfaite pour devenir multimillionnaire, là. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais en réalité, donc, à un moment donné, en lien avec la question de l'argent, je discutais avec quelqu'un, puis la personne, elle disait, ben si le taux d'intérêt augmente pour diminuer l'inflation, habituellement, ce qui va arriver, c'est que la valeur des placements boursiers en proportion va diminuer. Et là, je discutais avec la personne. Puis, la personne, elle voyait comme une équation linéaire pour différents facteurs, dans le sens que si, par exemple, la valeur C'est ça, du taux d'intérêt augmente, bon, ben ça se peut que des gens prennent de leur argent pour mettre davantage leur argent dans des obligations plutôt qu'acheter des actions, parce que les actions représentent un risque, alors que les obligations, il y en a plusieurs qui vont garantir le montant du placement. Et puis il y a des gens qui vont développer des systèmes en disant, ben là, tu investis 100 $, ensuite, avec les taux d'intérêt, le montant augmente, puis finalement, là, en faisant des achats puis des ventes progressivement, tu vas devenir multimillionnaire. Mais le point, puis à un moment donné, en lien avec ça, j'ai dit, c'est aussi simple que ça, que si le taux d'intérêt augmente, la valeur des obligations diminue. S'il y a comme une corrélation, on a juste à suivre des mouvements comme ça au niveau financier pour acheter quand le taux d'intérêt augmente, puis ensuite revendre quand le taux d'intérêt va se mettre à baisser. Puis par la suite, j'ai discuté avec une autre personne qui m'a dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche, il y a d'autres variables. » Et là, j'ai repensé naturellement à la théorie du chaos, dans le sens que l'ego, en tant qu'ego, en tant qu'individu, veut contrôler des variables, il essaie de voir des relations linéaires. Sauf que dans la vie, il y aura toujours des variables qui échappent à la compréhension linéaire de l'ego, parce que ça serait aussi simple, il y aurait plein de monde qui serait multibillionnaire. Donc, il y a d'autres variables qui vont avoir une incidence sur l'économie ou la vie en général. Et c'est sûr que dans une civilisation comme la nôtre, et le fait qu'il y a de plus en plus d'individus sur la Terre, donc au mois de novembre de l'année 2022, on est rendu 8 milliards d'interactions en personne, d'interactions sur le web, tous ces éléments-là font en sorte que tout devient de plus en plus volatile, dans le sens qu'un élément a une influence sur l'autre, donc ça amène une très grande variation, fluctuation de la réalité économique, mais de la réalité mondiale, toutes ces interactions-là, qui ont une incidence les uns sur les autres. On est dans un monde avec un dans lequel on se trouve avec un système multivariable et on a à composer avec la complexité du monde qui échappe naturellement à l'ego. L'ego peut chercher à mettre en place une compréhension des systèmes linéaires. Je pense entre autres à un conférencier qui avait développé une approche de la bourse en relation avec les cycles lunaires pour acheter et vendre des actions. Or, ce conférencier-là n'est jamais devenu multimillionnaire avec l'approche dont il faisait la promotion. Donc, moi, je me méfie de tout ça. Je me méfie de tout système à caractère linéaire. Pourquoi? Parce que les systèmes linéaires ne permettent pas d'englober la complexité. Tout ça pour vous dire qu'il n'existe pas de recette absolue pour connaître le bonheur financier ou le bonheur en général. Et que si vous avez un moment de répit dans votre vie, un petit peu comme conceptualiser la personne qui a dit que la paix, c'est tout simplement un espace entre deux guerres, ben, il faut en profiter. Il y a des oppositions qu'après coup, on peut réaliser que c'est intelligent. Je vous donne un exemple concret. La personne qui vit une rupture amoureuse et elle doit par la suite apprendre à fonctionner tout seul en logement, alors que la personne, elle avait été... Ben, je peux parler de mon cas. Hein, tu sais, dans ma situation, j'ai vécu avec mes parents. Mon père est décédé, donc je vivais avec ma mère. Ensuite, j'ai été en logement avec ma compagne. Et par la suite, j'ai eu à vivre seul en logement. Donc là, j'ai eu, c'est sûr, à m'adapter. Comment on pourrait dire? À apprivoiser la solitude, à composer avec moi-même, et ainsi de suite. Là, présentement, j'ai une situation différente. Bon, je m'étais séparé avec ma compagne, j'ai repris avec elle. Mais le point, c'est que cette période-là a été utile pour moi parce que ça a amené à composer avec la solitude. Donc, aujourd'hui, si on me pose la question, si pour une raison X ou Y que je deviendrais seul, c'est sûr que ça serait moins anxiogène que si on m'avait posé la question alors que j'étais jeune puis je vivais avec mes parents, ou que je vivais avec ma compagne, puis je n'avais pas connu la solitude. Autrement dit, quand on connaît quelque chose, à ce moment-là, de faire face à quelque chose de similaire comme la mort d'un proche, ou l'intervenant qui a déjà composé avec une centaine de personnes suicidaires, bon, ben lui dire que demain matin, il est obligé de rencontrer un client qui peut avoir potentiellement des idées suicidaires, bon, ben il est habitué de faire face à la musique, donc il est entraîné par rapport à ça. Donc, À ce moment-là, il y a la structure énergétique, il y a la contenance pour faire face à la situation. Souvent, ce qui est difficile, c'est de faire face à la nouveauté si la personne n'a pas d'assises. Mais la personne, il y a des gens qui peuvent m'écouter, qui ont connu la période de grande inflation dans les années 1980, où le taux d'intérêt avait augmenté beaucoup. Il y avait des gens qui ont fait des faillites personnelles, qui ont perdu leur maison. Parce que c'est sûr que si le taux d'intérêt est du 18%, il y a des gens qui ne sont pas en mesure de payer, et ainsi de suite. Bon, ben, les gens qui ont connu ça, puis sont confrontés à une situation actuelle où le taux d'intérêt augmente, mais on n'a pas la même amplitude que dans les années 1980. Donc, eux autres, une période de grande inflation, ils ont déjà connu ça. Probablement qu'ils sont moins stressés ou anxieux que, par exemple, les jeunes qui sont dans la vingtaine ou dans la trentaine, qui n'ont pas connu consciemment cela, à la différence d'eux. Donc, il y a quelqu'un qui a grandi puis est habitué que les taux d'intérêt, que ce soit pour la maison ou l'automobile, sont bas, puis ça, c'est bas depuis plusieurs années. Bon, ben, de réaliser que le taux d'intérêt augmente à vitesse grand V, ça peut créer un choc. Ça peut créer du stress, ça peut créer de l'anxiété. En fait, toute situation qui est nouvelle pour l'ego peut l'amener à vibrer à de l'insécurité. Et l'ego, pour faire face à ça, ben, il n'y a pas de recette. C'est de confronter l'événement qui nous crée de l'adversité puis être capable de composer avec. Et au niveau aussi de l'intégration de la conscience supramentale, comme mentionné tantôt, il n'y a pas de recette universelle. Ce qui fait, c'est du cas par cas. Et l'ego est ajusté en fonction de sa capacité à vivre des ajustements par rapport à l'esprit qui se rapporte à lui, qui va programmer des événements. C'est sûr que l'ego, s'il souffre, il peut réclamer des choses à l'esprit en montant en puissance. Donc, puis c'est sûr que moi, je suis dans une optique aussi de commander à l'esprit. Pourquoi? Parce que en commandant à l'esprit, ça permet d'exercer la volonté de l'ego. Moi, je fais mes commandes à l'esprit régulièrement, dans le sens que je vais dire, tu vas t'organiser pour que je sois en santé, que je sois heureux, que j'ai les ressources financières adéquates pour répondre à tous mes besoins au quotidien, et ainsi de suite. Puis si je n'ai pas les éléments qui me permettent de fonctionner, je lui demande des réponses. Et ça me prend une réponse naturellement intelligente. Et si le fait d'être privé quelque chose favorise mon développement, je suis obligé de reconnaître avec le recul que c'est intelligent. Dans le sens que je vous donne un exemple concret. Bon, ben, si à un moment donné, je suis privé de ma santé, parce que je tombe malade et ça m'amène à développer à travers cette expérience-là, parce que j'attrape la grippe, dans le fond, une capacité d'avoir moins peur de la grippe parce que j'ai eu la grippe, bon, ben, ça permet de dédramatiser quelque chose. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que je stresse moins. Si je stresse moins, ben, je suis plus présent dans ma conscience. Je suis plus en contact avec l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit cherche à neutraliser les peurs de l'ego qui vont l'empêcher d'être dans un état d'être de disponibilité par rapport à lui ou d'être dans un état d'agir d'une manière intelligente. Donc, l'esprit travaille l'ego pour qu'il devienne de plus en plus ajusté à son intelligence. Et ça se fait malgré l'ego. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un monastère sur le toit du monde, c'est-à-dire au Tibet, là, pour ça, ou pratiquer de la méditation transcendantale avec des maîtres en Inde. Vous n'avez pas besoin de pratiquer non plus le bouddhisme dans des pays asiatiques. Non. C'est l'ego, en fait, il y a tout simplement à composer intelligemment avec l'environnement, avec la situation planétaire, puis faire face au choc. Et c'est sûr que le processus existentiel qui se rapporte à la Terre, c'est que l'ego peut vouloir devenir quelqu'un de particulier. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir un très bon musicien qui maîtrise très bien la guitare. Et être capable de rivaliser par rapport à des virtuoses dans le domaine, donc que ce soit Jimi Hendrix ou d'autres guitaristes extrêmement talentueux, ça s'est pas avéré. Donc, je suis devenu autre chose. Mais c'est ainsi. Tout ça pour dire que des recettes, avec le temps, au début, quand on est naïf, on peut dire « Ah, je vais aller voir tel conférencier, je vais écouter tel enregistrement, il va me donner des outils, puis il va me permettre de devenir conscient. » Bon, des fois, les gens donnent des conseils qui peuvent avoir une utilité temporaire, mais dans l'absolu, il n'y a pas de recette parfaite pour tout le monde. C'est du cas par cas, puis certaines choses qui sont appliquées par rapport à une personne peuvent donner des résultats. Dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui fait un programme d'entraînement et il est âgé de 20 ans, le programme va l'aider à augmenter sa masse musculaire. Par contre, si on demande à une personne de 90 ans de faire le même programme, peut-être que ça va les amener à avoir une très grande fatigue physique, puis la personne elle va sortir de la salle d'entraînement en civière parce qu'elle ne sera plus capable de bouger. Donc, c'est en fonction du cas par cas. Tu sais, quelqu'un, ça peut être approprié de soulever 300 livres, puis l'autre, ben non, il n'aura pas la capacité, il va se blesser, il va se faire mal, puis non, il y a discernement. Donc, il n'y a pas de recette absolue. Chaque personne est unique. Et c'est son unicité est prise en considération par l'esprit. L'esprit est difficilement appréhendable. C'est sûr que, comme la personne qui m'écrivait me posait la question, ben, comment faire face aux attaques astrales? Donc, faire face, par exemple, à des entités ou à des pensées qui cherchent à nous faire sombrer dans des états dépressifs, etc. S'il y aurait une recette absolue pour que la personne soit tout le temps centrique, bon, ben c'est sûr que ça serait facile. Hein? Tu neutralises la pensée astrale, puis ensuite, il n'y a plus d'attaque astrale ou de pensée dissonante que la personne a dans le mental, puis c'est fini. c'est réglé pour tout le temps. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le nettoyage psychique est régulièrement à refaire. Et c'est un petit peu comme le corps physique, hein? Si on aurait juste à prendre une douche une fois dans de l'eau pour être propre, ben on n'aurait pas besoin de se laver régulièrement. Donc, il n'y aurait pas un entretien, une hygiène corporelle à avoir. Or, ça prend une hygiène psychique pour être en santé. En plus d'avoir une hygiène physique, en plus d'avoir une hygiène émotionnelle, en plus... Il y a plein de choses à s'occuper dans notre vie, hein, quand on regarde ça, là. Pour rester en état d'équilibre et de cohérence, c'est propre à chacun. Au niveau de l'hygiène, ben c'est sûr que quelqu'un qui prend sa douche puis il a transpiré, ça le permet de se nettoyer, d'enlever la sueur qui peut avoir une odeur, donc d'aller chercher un état de propreté. Sauf que l'état de propreté est temporaire parce qu'il va transpirer de nouveau. Et c'est sûr que quelqu'un peut atteindre un état d'être, de calme après la pratique d'une méditation. Mais par la suite, que ce soit l'astral ou l'esprit, des pensées adverses peuvent le guetter. Et là, la personne est confrontée à des pensées anxiogènes, puis il va être de nouveau être obligé de composer avec elles. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs et que l'individu en tant qu'ego n'est pas la source de la pensée, bon, ben l'ego a toujours, à ce moment-là, un rôle réactif par rapport à la pensée. Et c'est sûr que ce qui me crée une contrariété dans ma vie, puis des fois qui m'amène du feu, c'est que c'est toujours à recommencer la combativité par rapport à la pensée dissonante. Et c'est sûr que si je regarde la vie de gens qui se sont conscientisés sur plusieurs années, pendant toute leur existence, ils ont vécu des oppositions qui peuvent amener des pensées dissonantes, naturellement. Donc, de composer avec ça... C'est le lot du quotidien. Donc, si moi, je me détache de l'attente que je pouvais avoir de dire, ben là, je vais maîtriser telle technique, puis après ça, ben c'est fini. Hein. C'est un petit peu comme la personne va dire, ben je vais prendre ma douche une dernière fois, puis regarde, après ça, je suis propre pour le reste de ma vie. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On est exposé couramment à des vibrations, que j'allais dire sales ou de dissonance en relation, entre autres, avec le contexte planétaire. Mais ça serait possible aussi que si on vivrait sur une autre planète, Il pourrait avoir aussi d'autres formes de dissonance. Peut-être les êtres seraient un peu plus évolués, mais ce serait des dissonances peut-être un peu plus subtiles, et ainsi de suite. Donc, travailler que la différence énergétique, les décalages de vibrations qui sont derrière les individus, les événements, ça doit être quelque chose que la personne doit être capable de faire éventuellement dans une optique d'intégration de sa conscience. Est-ce qu'il y a une recette par rapport pour parvenir à ça? Pas nécessairement, parce que si quelqu'un dit « Ah, je vais faire une désensibilisation systématique, je vais aller voyager dans un pays que je connais pas la langue, que j'ai jamais été, qui a trop de paramètres inconnus à la personne, bon, mais elle sera pas capable d'intégrer l'événement, puis elle va faire des crises d'anxiété ou d'angoisse. » Donc, quelqu'un peut se tremper dans une zone un peu d'inconfort. Oui, elle peut faire des gains d'adaptation. Mais en même temps, s'il y a trop d'inconfort par rapport à sa capacité à l'assumer, elle va pas augmenter sa résilience, elle va sombrer dans un état de déchéance. C'est pas pareil. Parce qu'un peu de position, ça peut amener la personne à monter en vibration. C'est selon le dosage de chacun, hein? T'sais, c'est comme quelqu'un, si tu lui demandes de soulever 100 livres, puis il a la force, bon, ben, puis habituellement il soulevait 80, bon, ben, tu l'amènes un peu plus loin. Par contre, si tu lui demandes du jour au lendemain de soulever 200 livres ou 300 livres, ça se peut qu'il ne soit pas capable, puis il s'effondre en dessous de la barre, là, tu sais, il prend la barre avec ses bras, puis il n'est pas capable de la soulever, puis là, il est comme étranglé au niveau du cou parce qu'il tombe en dessous de la barre avec les poids et haltères, là, sur lui, là. Bref, ça ne donnera pas le résultat escompté. La même chose au niveau psychique. Tu sais, quelqu'un qui est exposé à une personne suicidaire puis elle reste centrique pendant une journée, bon, mais si ça arrive une fois ponctuelle, peut-être une journée par mois, puis elle a la capacité de faire face à ça, elle va être capable d'intégrer l'événement puis le soir dormir tranquille. Par contre, si la personne, tu lui demandes de travailler en urgence psychiatrique du jour au lendemain, sans accompagnement, sans formation, puis l'essentiel de son travail, c'est de composer avec des gens suicidaires, puis elle en a plusieurs en présence à journée longue, puis elle n'est pas préparée à ça, ça se peut que le soir, quand elle rentre chez elle, elle soit dans un état de bouleversement émotionnel tel qu'elle ait de la difficulté à dormir. Pourquoi? Ben, parce qu'elle n'est pas capable de contenir l'événement de sa journée, c'est-à-dire être exposée à des gens qui sont extrêmement désajustés vibratoirement. Est-ce que j'ai été manipulé dans ma vie pour composer avec des gens désajustés vibratoirement? La réponse, c'est oui. Donc, dans mon cas, en passant, là, je ne travaille pas là, en urgence psychiatrique. Là, c'est juste un exemple que je donne là, à titre indicatif. Là. Je ne veux pas que les gens pensent à ça, vu que je revenais souvent sur cet exemple-là. Ça n'a aucun rapport. Mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, de ce que j'ai vu des gens qui ont à œuvrer ou à intégrer ou qui sont les vecteurs d'une conscience supramentale, ils ont à composer avec des oppositions. Quelqu'un ne peut pas devenir solide vibratoirement sans avoir composé avec des oppositions qui l'amènent à atteindre cet état d'être. C'est impossible parce que la capacité de composer avec les oppositions est en relation avec une transmutation énergétique qui se fait lorsque la personne est confrontée à de l'adversité. Donc, tout ça pour dire, la personne, voyez-vous, m'a amené sur cette idée-là d'aborder le fait qu'il n'y a pas de recette. Donc, je ne sais pas si elle a écouté mon enregistrement, mais peu importe, l'enregistrement en passant, c'est un prétexte souvent quand que je fais des enregistrements pour intégrer davantage certaines notions dans ma vie puis d'accepter certaines choses. Une des choses que j'ai de la difficulté à accepter moi-même, c'est l'histoire que... Il n'y a pas de recette où c'est tout le temps à refaire. Ça, c'est un petit peu comme manger, c'est tout le temps à refaire. Des fois, on peut vivre une forme de lassitude par rapport aux choses à faire du quotidien, comme prendre sa douche, manger. Il y a un côté répétitif, il y a un côté automatique. Mais par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que dans notre vie, on a à faire face à des événements qui servent à nous maintenir en état d'équilibre et de santé. Bon, ça peut être des oppositions qui peuvent nous amener à développer une santé plus grande, paradoxalement, mais ça peut être aussi, on a des tâches à faire dans le quotidien, puis que ce soit faire le ménage, pas tout le monde qui aime ça, c'est répétitif. Il y a des gens qui vont être tempérament anxieux, qui vont trouver ça sécurisant, faire du ménage, parce qu'ils se sentent en contrôle en tant qu'ego. Mais les gens qui aiment le côté créatif, il n'y a pas grand-chose de créatif dans le ménage. Mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Il faut que l'ego contienne le temps de la tâche répétitive à faire. Ça fait partie de la vie. Mais le ménage psychique, parce que je parlais de ménage physique, le ménage psychique peut être régulièrement refaire. Donc, ce que je peux dire, c'est que vivre avec une conscience vibratoire, je vois ça comme étant un vécu dynamique, une dynamique perpétuelle de l'ajustement de l'ego et l'esprit qui peut amener ponctuellement, au fil des ans, de faire face à multiples oppositions, contrariétés existentielles et ainsi de suite. Bien que l'ego pourrait vouloir être dans une paix absolue, totale, qui se maintient, tant que l'ego a des failles encore en lui, il peut être décentrable puis être sorti de sa paix. Donc ça, c'est un paramètre. Quelqu'un qui croit être totalement ajusté, si c'est pas réel, il va être confronté à une opposition qui va lui faire réaliser, ouais, finalement, par rapport, que ce soit l'aspect financier qu'il descende ou l'aspect de la santé, ah ouais, c'est vrai que d'avoir attrapé telle chose, ça m'a décentré. Tant que l'ego est décentrable, l'ego doit réaliser les zones de vulnérabilité qu'il présente. L'idée, c'est pas de se sentir coupable parce qu'on présente des zones de vulnérabilité. La culpabilité, c'est un poison pour l'âme. C'est une perte d'énergie. C'est inintelligent. Il faut plutôt que l'ego réalise que, OK, je suis vulnérable par rapport à cet aspect-là. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Oui ou non? Puis bon, s'il y a quelque chose à faire, d'agir en conséquence, puis par la suite, retomber dans un état de paix mentale ou de vide. Un état d'équilibre, un état de cohérence. En fait, le but de l'intégration de la conscience de l'esprit à travers l'ego, c'est que l'ego connaisse un état de plus en plus grand de cohérence psychique, d'adéquation avec le réel, et tout ce qui n'est pas réel ou toute la désinformation que l'ego peut connaître, eh bien, il est appelé à prendre conscience de ces éléments-là, qu'il y a un dévoilement du réel, de la désinformation et des mensonges auxquels il peut être exposé pour que l'ego soit dans un état de compréhension de plus en plus vaste de la réalité. Mais quand je dis de compréhension, ce n'est pas intellectuel. C'est comprendre que des mouvements d'énergie derrière les situations, les événements et d'être capable de composer intelligemment avec eux. De voir l'essence énergétique derrière les événements, les individus, les choses. Jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut pas aller, ainsi de suite. Avoir une juste mesure de lui-même, une juste compréhension de sa vie, de son existence. Donc, c'est ce qui va conclure cet enregistrement. Et peut-être que des gens qui ont été déçus d'en prendre, qu'il n'y a pas de recette hein, pour parvenir à la conscience. Et la conscience de ce que j'en comprends au fil des ans, c'est pas un état statique, hein? Quelqu'un qui a grimpé le sommet, puis ah, je suis au sommet, il n'y a plus rien à faire. Non, il faut que la personne, une fois qu'elle a goûté à certains états de conscience extrêmement vibrants, puisse agir pour se maintenir dans l'état de cohérence interne. Donc, autrement dit, se maintenir dans un état de stabilité psychique en dépit de tous les éléments de l'environnement qui peuvent chercher à nous déstabiliser. Et c'est ça le défi de l'individu qui se conscientise auquel il est confronté. Donc, merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.